Hey, bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur le premier podcast officiel. Putain, c'est le premier. C'est officiel. Le premier podcast officiel avec tout un tas de news quasiment officielles. Oh la vache. Donc je me présente, Riley Finn, rédacteur en chef de l'officiel. Je travaillais des années au Monde, à Libération, tout ça. Et je suis accompagné avec moi de la fine fleur du journalisme, Sartman. Sartman, tout à fait, prix Pulitzer de Sartre en 1999. Voilà, qui nous accompagne. Et depuis, je suis freelance. Voilà, donc il travaille officiel gratuitement, il est bénévole et il est spécialiste des séries télé notamment et de Star Wars. Il y a une actualité Star Wars en ce moment. J'ai deux spécialités, c'est Star Wars et Todd and the Book of Pure Evil. Voilà, donc une série bien connue. Et on est avec nous également, alors là c'est exceptionnel, hein. On est avec nous... Enfin, si ça marche. Hein. Ouais, on va voir si la connexion fonctionne. John Mark, notre correspondant à Hollywood. John Mark, est-ce que tu nous reçois? Oui. Bonsoir les gars, je vous reçois. Ah oui, donc on a un léger décalage. John Mark, est-ce que ça va? Quelle heure il est chez toi? Oui, bonsoir les gars, je vous entends très bien. Alors oui, on dirait de Los Angeles. Quelle heure il est, John Mark? Quelle heure? Alors 10h du matin à peu près. Ah, on te réveille. D'accord, ouais. Ah oui, oui, j'étais au queue il y a encore une heure. Mais bon, allez, c'est parti. On va y venir ce soir, mais c'était les Emmy Awards hier soir. Tout à fait, les Emmy Awards. Tu y étais? C'était un grand événement, tout à fait, d'actualité. Voilà. Une actualité chaude. Oh, il y a beaucoup à dire, hein. Vraiment, pour ce que c'était, vraiment, ça valait le coup d'y être. Tu as pu nous faire des interviews sur le tapis rouge ou... Oui, alors, pas vraiment. George Clooney était très occupé. T'as voilà, eu un problème j'ai de pu comprendre micro. Que John Goodman aussi m'avait dit oui, on se voit à l'apéro, je sais pas quoi. Non, j'ai pas eu de. Oh, le salaud, ouais, si. Voilà. C'est Johnny comme ça. Tout à fait. Par contre, voilà, on est au taquet. J'ai pas dormi de la nuit. C'est parti. Très bien. Merci John Mark. Donc, alors, je vais vous expliquer un peu le podcast officiel, comment ça va se passer. Dans un premier temps, on va revenir tous ensemble sur les news marquantes de la semaine, hein, ou du trimestre, parce qu'on ne sait pas au rythme du podcast. Donc, il y aura trois news chacun. On a tous choisi une news plus ou moins importante. Hein. Et après, on passera au dossier de la semaine. Cette semaine, ce sera le cinéma selon Marvel Studios. Ah, oui, donc, tout à fait. Je vous entends. Oui, tout voilà, à fait. Nous sommes à Los Angeles. Voilà. Merci, John Mark. Je viens de le préciser. Voilà, on va peut-être le couper un peu. Alors, merci. Donc... Il reçoit un texto en direct, John Mark. Oui, alors c'est justement John Goodman qui me dit ah viens à l'apéro finalement. Ah là, donc finalement ça se concrétise. Voilà, mais bon, je peux pas répondre, je suis au travail et je suis encore un peu saoulé de la nuit d'avant. Ah oui. C'est parti. Ok. Alors on y va. Alors moi cette semaine je voulais revenir avec vous. Sur un événement très important. Vous savez que la nouvelle saison de Doctor Who a commencé. Doctor quoi? Doctor qui? Voilà. Humour, voilà. On est bien. Doctor. Putain, ça sera coupé. Doctor Who, série de la BBC qui en est à sa 8e saison qui vient de commencer avant-hier, samedi dernier. Moi j'ai entendu que c'était la dernière saison, je crois, non? Alors, non seulement c'est la dernière saison, mais en fait ils font aussi n'importe quoi cette année. Hein. Le showrunner a plus d'idées, Steven Moffat. Et donc la dernière lubie du mec, c'est de faire un crossover avec Transformers. Je sais pas si vous avez vu les premiers concept art sur le site, c'est vraiment oui, dégueu. Fait, ouais. On a vu ça. Non mais alors moi j'ai des infos qui viennent du studio de Michael Bay qui est il est fan de Doctor Who, il me semble. Voilà, ouais. Selon Michael, ouais. les séries sont vraiment. En train de bah ça explose hein, de supplanter le on a vu différents acteurs importants du cinéma qui sont passés aux séries télé hein. Voilà, et notamment c'est un placement de Michael John Hurt qui veut se positionner John Hurt voilà. Alors, non seulement cette année dans Doctor Who hein, pour y revenir un petit peu c'était le sujet il y a un nouveau docteur hein, Peter Capaldi que personne ne connaît hein, tous les gens ont fait croire il a joué dans une super série incroyable qui s'appelle Doctor Who peut-être non, il a déjà joué dans Doctor Who The Sick of It. The Sick of It. Ah tu l'as vu? Très bonne série. Ah oui, c'est vraiment une spécialiste série. Hein. Qui parle des dessous, des cabinets ministériels de la Grande-Bretagne. Ah oui, non, il est très, c'est intéressant. Très bon. Il est un espèce de conseiller d'un premier ministre. Il y a des zombies dedans, pas? Il est très très bon. Bien sûr, il y a un épisode zombie et un épisode musical. Ah, mais, comme toute bonne série qui se respecte. Tout à fait. Donc, il est, le premier épisode a été diffusé. Personnellement, je ne l'ai pas vu. Ça ne m'intéresse pas. Mais j'ai trouvé ça très très mauvais. Déjà, tu n'aimes pas Doctor Who au départ. En même temps, je déteste tous les Doctor Who. Donc, c'est peut-être pour ça que j'ai trouvé ça très mauvais. Je suis quand même regardé. Hein. Alors, moi, je vais le regarder quand même par acquis de conscience parce que je suis soi-disant un fan. John Mark, vous l'avez vu? Est-ce qu'il était diffusé aux États-Unis? Ah bah écoute, mais tout le monde en parle justement en ce moment et les avis divergent à ce sujet justement. On est un petit peu vraiment circonspect. Ah oui, ici, dubitatif. Le cul entre deux chaises. Tout le monde y va de son petit commentaire. Rihanna dit ah what the fucking shit. Alors voilà, Rihanna suit Doctor Who, ça c'est de l'info. Oui, enfin le tweet en tout cas de temps en temps. Ah oui, bon, ça veut voilà, pas dire qu'elle regarde. Un petit peu, voilà, exactement. Donc ici on est un petit peu voilà, donc, en attente. Bah si je vous résume un peu l'épisode que je n'ai pas vu, c'est il y a un dinosaure qui attaque Londres, hein, du classique dans Doctor Who, j'ai envie de dire. Donc là ce sera l'épisode crossover avec le Transformer, ce sera l'épisode 8. Hein, l'épisode 8 qui sera diffusé dans 2-3 mois. On sait pas trop les dates. Alors, on passe tout de suite à la news suivante. Ça sera diffusé un mercredi matin, je crois. Non, les épisodes, c'est le samedi soir. Oui, mais celui-là spécialement, c'est un. Ah, c'est un épisode spécial pour les. Ouais, ah, ils sont forts. Ils tentent quelque chose au niveau du marketing. On passe à la suite. Sartman, la news marquante, ta news marquante à toi? Alors, il s'est passé un truc monstrueux ces dernières semaines. C'est-à-dire qu'une semaine avant la cérémonie des Emmy Awards, Mimi Mati, donc oh, c'est honteux ! L'actrice de série la plus connue de France, a annoncé qu'elle ne viendrait pas aux Emmy Awards, qu'elle boycotterait la cérémonie cette année. Putain. Donc, parce qu'elle a joué dans une série américaine. Hein, comme j'ai dit. Ah non, pas du tout. Ah oui, pardon, c'est pour ça qu'elle a boycotté. Dans Game of Thrones, je crois qu'elle a fait un petit. Non, ça c'est des conneries, c'est des faux. Faut pas écouter, c'est des trucs qui circulent sur internet, c'est que des conneries. Écoutez l'officiel, vous aurez la vérité. Bref. Donc Mimi Mati a annoncé qu'elle boycottait la cérémonie. Alors elle a pas vraiment expliqué pourquoi. Mais bon, ça a été. Peut-être au niveau du billet d'avion. Ça a été un souci. Scandale à Los Angeles. D'ailleurs, Jean-Marc, toi qui étais à Los Angeles hier soir, est-ce que Mimi Mati, on en a parlé sur le tapis rouge ou dans les coulisses? Il a été évoqué que la cérémonie soit carrément annulée hein, suite à cette annonce. Oui, bonsoir, direct de Los Angeles. Alors, Mimi Mati, tout à fait. Alors, on a des infos. Est-ce qu'on a des infos, Jean-Marc? Oui, alors. Oui, tout à fait. Alors, on est un petit peu déçu, effectivement, parce que la cérémonie serait peut-être annulée. Elle a eu lieu hier soir. Vous êtes sûr d'être la soirée ou pas? Ça a failli être annulé parce que voilà, l'absence de Mimi Mati a beaucoup marqué. Les tabloïds américains sont tous au taquet sur cette absence très remarquée. Oui, hein, sur Twitter, on a eu un gros live tweet hier soir et on a vu que Mimi Mati n'était pas présente et ça a posé des gros soucis. Hein. Énormément, on s'est tous inquiétés, beaucoup, énormément. Surtout moi, j'en ai rien à foutre, c'est pas vrai. Il y a eu une minute de silence, je crois, en soutien à son action. Et un selfie sans elle aussi. Hein, ça a été un. Bah le selfie. Oui, ils ont fait un selfie sans elle. Enfin, en même temps, elle aurait été. Je sais pas si on l'aurait vu. Voilà, ça c'est un autre. Là, c'est bas, Jean-Marc. Hein. Non, c'est vrai. Merci pour cette news marquante. Alors, on passe à la news Star Wars, la news Star Wars de la semaine. Je crois qu'on a un bon. Alors là, attention, on est très bien informé. Attendez, par contre, il y a un jingle. Dans une galaxie très lointaine, John Mark, notre spécialiste, donc qui est actuellement le réalisateur du film le plus attendu de l'univers. Je pense qu'on va avoir de l'info là. Il a une news marquante. John Mark, c'est à toi. Oui, tout à fait. Bonsoir. En direct de Los Angeles. Donc nous avons une news importante au sujet de R2D2. Donc il y aurait apparemment. Donc, était customisé au profit. Bah, si l'officiel le dit. Hein. Apparemment, voilà, il y a une nouvelle image, un nouveau look pour ce personnage emblématique de l'histoire du cinéma. Oserais-je le dire? Il ose. Et voilà. Alors c'est toi, en tant que réalisateur, qui a décidé de transformer le personnage. Je me suis dit qu'il était temps de moderniser cette icône finalement indétrônable qui est R2D2. Vache. Alors du coup, voilà. Alors que les fans s'attendent justement à ce que le R2D2 soit et le même aspect, moi j'ai dit non, je n'ai rien à branler parce que je suis plus malin que tout le monde et j'ai décidé de le changer. Tout à fait. Oui, c'est un peu. Est-ce osé. Que Disney a cautionné parce qu'ils vont devoir refaire tous les jouets là. Tu anticipes ce que j'allais dire parce que c'est j'ai rendez-vous demain avec la Disney, Disney Company. Voilà, je sais pas s'ils ont beaucoup aimé. Enfin. J'ai entendu qu'ils voulaient foutre un procès au cul. Est-ce que c'est vrai? Non, mais là, je pense l'officiel qu'il est, n'est, n'est pas, ne soutient pas du tout ce que tu racontes. Il n'est pas très utile d'en parler pour le moment parce que l'affaire est en cours et qu'il faut laisser la justice faire son travail. On te sent mal à l'aise, John Mark. Absolument pas. Alors là, est-ce que tout va bien sur le tournage de Star Wars? Tout à fait. Alors là, voilà, tout à fait. Hein, laissons la justice faire son travail. Et puis, tout, voilà, la vérité va t'éclater, tout simplement. Laissez-moi tranquille, je vous fais un procès. Aujourd'hui, on a découvert que Mark Hamill avait une barbe sur le nouveau Star Wars. Est-ce que c'est une idée de toi ou de Jean-Jacques, hein, Jean-Jacques Abrams? Alors là, pour être tout à fait honnête avec toi, on n'est pas en enregistrant pas là, on est d'accord? Non, bien sûr. Les micros sont tout éteints. D'accord, ok. Alors pour être tout à fait honnête, non, c'est J.J. Abrams qui a un petit peu soufflé l'idée d'un espèce de nouvel Obi-Wan. Moi, je dis que c'est complètement con, ça n'a aucun intérêt que Luke Skywalker réponde à cet héritage. Et voilà. Mais en fait, s'il est barbu, c'est parce que Mark Hamill est un gros flemmard. Oui. Et il se trouve qu'il est tellement à la maison qu'il ne se rase plus. Du coup, moi j'ai dit, bon bah banco, bah, tu veux pas passer au HMC, donc habillage, maquillage, coiffure. Bien sûr. Bah viens comme ça, tel un poivreau qu'on reconnaîtra pas dans la marque. A décidé d'habiter carrément dans le studio, quoi. Il pour s'imprégner de son personnage. Oui, il a décidé de. Il a son duvet, son matelas. Exactement. Bah, d'ailleurs, oui, les stagiaires régie l'ont viré, par erreur, forcément, ne le reconnaissant pas. Ils l'ont gentiment amené vers la sortie, alors qu'il s'agissait de Mark Hamill quand même. Donc on a pris les mesures évidemment évidentes. On a évidemment viré les stagiaires fautifs. Ah oui, mais les productions tout con, oui. Tout à fait, voilà. Et puis Mark Hamill. Tu risques gros, John Mark. Hein, c'est un peu dangereux ce que tu nous racontes. Mais c'est le système américain, ça. Il faut s'adapter ou mourir. Voilà. Fais gaffe là. S'adapter or dying. C'est le prochain film. Parce que je vais en tirer une expérience traumatisante. C'est vraiment bien d'avoir. Non, des infos toutes fraîches sur Star Wars, Sarman. C'est vraiment. Des infos, merci John Mark. C'est vrai que c'était du rumeur. Oui, bonsoir. Bah oui, tout à fait. Un petit décalage. Problème de connexion. Désolé. De quoi? Alors oui, alors on parle de la. Oui, alors on va passer. Merci John Mark. Taisez-vous. C'est ça. On va. Priorité au direct. Yoda... Priorité au direct. On passe au dossier du trimestre qui cette semaine, c'est moi qui ai choisi. Le thème ce sera le cinéma selon Marvel. Donc comme vous le savez, Marvel depuis 2008 révolutionne le cinéma classique en produisant des films on en parlera plus tard. Il y a eu Iron Man, excellent film, Iron Man 2, excellent film, Captain America 1, Hulk qui est pas une vraie suite de films anglais, bon. Il y a débat. Et surtout, il y a eu l'excellent Avenger, réalisé par Joss Whedon, le créateur de Buffy contre les vampires, notamment. Qui est donc la main mise sur tout l'univers Marvel maintenant. Et il le maîtrise comme une série télé en fait. C'est le showrunner de tout l'univers Marvel. J'ai envie de dire ça. Est-ce que l'importance, à votre avis, est-ce que l'importance de Joss Whedon dans les films Marvel se fait ressentir au sein des films excellents comme Thor 2 ou Captain America 2? Alors, donc moi j'ai préparé un petit dossier. Il fallait préparer ce dossier, ça me semble important. Donc je vous rappelle que l'info est tombée la semaine dernière, que Joss Whedon va arrêter le cinéma. Il réalise quand même le deuxième Avenger avant de partir ou pas? Il va déléguer le montage, le tournage est terminé, mais News a retrouvé en exclusivité sur l'officiel. Il va superviser le montage de loin. Il faut dire que donc les disparitions récentes de Robin Williams et de Ouais, qui devait jouer dans Avenger 2. Voilà. Thierry Heller devait pas jouer, il me semble. On t'affectait énormément le cinéma hollywoodien. Ouais, ouais. Et donc, le scénario a dû être modifié. Voilà, et beaucoup de grands noms du cinéma ont essayé de se retirer de l'industrie, dont Joss Whedon. Après, est-ce que ça a impacté le cinéma de Marvel? Pas vraiment. Oui, puisque c'est Kevin Feige, comme on dit, Feige, qui maîtrise un peu l'univers finalement. Oui, et il faut savoir qu'en ce moment, ce sont surtout les bureaucrates. Les investisseurs chinois qui maîtrisent. On en parlait. Les cordons de la bourse, j'ai envie de dire. Non, il se relâche sur moi. C'est vrai que Joss Whedon avait pris une direction un peu étrange puisqu'il avait décidé que dans les Avengers 3, qui serait musical, il me semble. Musical et il y aurait des vampires dans un vaisseau spatial. Excellente idée. Alors, ça a été pas super bien. Parce que donc Guardian of the Galaxy qui vient de sortir, qui est un énorme carton. Oui, bonsoir, on en parle. Non, pardon, John Mark, c'était pas vous. Alors, non. John Mark, que pensez-vous de Guardian of the Galaxy? Oui, bienvenue alors au podcast. Alors, pardon, de quoi on parle? De Buffy. Ok, merci John Mark. Kevin Feige, donc la tête pensante de Marvel, hein, pas du tout Joss Whedon comme on vient de le dire, a prévu des films jusqu'en 2045. Oui, tout à fait. Alors ça c'est vrai. J'ai discuté il y a pas très longtemps avec le directeur du département marketing stage chez Disney. Ouais, ouais, ouais. Et il m'a expliqué que oui, donc tout était prévu jusqu'en même 2020, hein, quelque chose comme ça. Ah bon? Ah si peu. Hein? Ah oui. C'est-à-dire qu'après, c'est des versions. Ouais, en fait, ils imaginent sortir les films en version dématérialisée. Ah oui. Sur des écrans ou. Non, en vrai, dans ton salon, quoi. Non. C'est-à-dire en implant dans ton cerveau. Ouh là là, ils vont un peu trop loin. Hein. C'est ça, c'est pour ça. Ils peuvent pas prévoir trop loin les films parce qu'après ils ne savent pas sous quelle forme ils vont les distribuer en fait. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que les films sortiront exclusivement en Chine. Le marché chinois est de plus en plus important. Hein. Voilà, tout à fait. Il faut savoir que même à partir de Thor 3 ou de Avengers 4, ces films-là ne sortiront ni aux États-Unis ni en France, ni en Europe. Ah oui. Ah bah bien sûr. Les gars, les Chinois, ils sont 2 milliards. Ah oui. Non, mais voilà. Ah donc c'est au niveau chinois que tout va se passer, quoi. Bien sûr. Mais bon, c'est prévu. C'est donc il y a un cas, le mandarin, qui agit dans Iron Man 3, qui se pose. C'est anecdotique, mais... Non, c'est pas du tout anecdotique. Mais bon, voilà, il faut savoir que les films Marvel ne sortiront plus qu'en Chine. Mais bon, il faut se rassurer, en France, on aura toujours les films de Terrence Malick, des frères Dardenne. De tous ces gens-là, donc il n'y a pas à s'inquiéter. D'ailleurs, on parlait des frères Dardenne sur une adaptation Marvel. John Mark, est-ce que Hollywood confirme? Oui. Oui, bonsoir. Alors, excusez-moi, j'étais en phone call avec George Clooney, alors du coup, on est un petit peu... Oh là oui alors, pardon. Sur Twitter, il y a... George Clooney vient de laisser un tweet assez énorme, la priorité en direct, hein. John Mark, tu es challengé au Ice Bucket Challenge. Tu dois te mettre des glaçons froids sur la tête immédiatement. C'est que George l'a fait il y a 15 jours avec du café glacé. Oui, j'ai retweeté d'ailleurs juste derrière. Bon bah alors écoute, non mais c'est pas mon tu le fais immédiatement de Jean-Marc. De me plier, voilà, Jean-Marc. Attention, en direct, aux en effets direct. De mode. C'est voilà. En direct. Mais bon alors peut-être que dans ces conditions, je vais peut-être un petit peu. Oh là là, mais oui, on voit là via Skype les. Mais non. Il y a des hôtesses qui arrivent avec des seaux. Tout à fait. Bonsoir mesdemoiselles et. Oh, il l'a fait! Ah, dis donc! Bon, et ben voilà! Et ben du coup, moi je challenge immédiatement. Je challenge immédiatement tous les Maguire. Oui, il faut nominer 3 personnes, Jean-Marc! 3 personnes? Putain, j'avais prévu que Toby Maguire, il me mérite, ce petit connard. Bien sûr, alors, c'est évident. Voilà, évidemment, Steven Spielberg, parce que j'ai regardé dans le même temps. Salut à toi, j'ai envie de faire Steven Spielberg. Et pour le coup, j'ai envie de faire, voilà, de nominer aussi, Sarah Michelle Gellar. Ah, parce que oulala, ça fait très longtemps qu'on n'a pas entendu de ses nouvelles. Je sais qu'elle va bien, elle tweet de temps en temps. Je l'ai vu la semaine dernière. Attends, il fait un peu froid. Est-ce qu'on peut m'apporter une serviette, s'il vous plaît? Parce que pour le coup, j'ai très froid. Sarah m'a dit qu'elle envisageait un retour très rapidement dans une nouvelle série pour la saison prochaine. Très bien. Ben, nous en disons pas plus. Voilà. Okay. Une web série, je crois. Eh ben, on y sera. Après cette parenthèse glacée, hein, j'ai envie de dire. Reprenons un peu notre thème de la semaine sur le cinéma Marvel. Là, on est bien au niveau timing. Alors, il y a eu un gros scandale chez Marvel là, qui. Putain, c'était énorme. Ouais. Qui qui remet un peu en cause toute leur conception du cinéma. C'est Edgar Wright. Edgar Wright, cinéaste anglais, hein, qui a fait Shaun of the Dead, World's End, Hot Fuzz. Non, moi je vois pas non plus. C'est un excellent réalisateur qui devait travailler sur Ant-Man, l'homme fourmi, chez Marvel, et qui s'est fait licencier, ou qui a décidé de partir. Alors, je voulais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que vous pensez que ça remet un peu en cause la méthode Marvel? Alors, j'ai vu Edgar Wright la semaine dernière. Il m'a expliqué que. Vous connaissez du monde, Sarfan, hein? Je suis journaliste. Vous avez une carte de presse. Il m'a expliqué que ça n'avait rien à voir avec les différents. Avec la production, comme il a été dit sur les réseaux sociaux. Mmh. C'est tout simplement un problème d'ordre légal. Sa carte verte n'était plus valable. Il ne pouvait plus travailler aux États-Unis. Oula, alors oui, donc là, on est dans du politique, sûr. On n'est plus sur le rayon artistique. Du judiciaire, même, je dirais. On est sur du judiciaire, hein. Ouais. C'est à Bordeaux qu'il a dû rentrer en Grande-Bretagne, et il n'avait plus le droit d'exercer sa profession sur le sol. Alors, sur ce qui est des rumeurs, comme quoi il y aurait eu des soucis avec Marvel, au niveau, ils n'avaient pas les mêmes attentes sur le projet. Non, c'est complètement faux. Ouais. C'est ça. Par contre, les liens d'Edgar Wright avec Al-Qaïda sont un peu plus flous. Ce serait ça le problème. C'est limite. Et surtout, ce qui fait la force de Marvel Studios, hein, c'est leur univers partagé. C'est-à-dire que dans un film Marvel. Qu'entends-tu par univers partagé? Voilà, je vous explique un peu. Dans les films Marvel, au bout de 2 heures de film, à la fin, dans le générique de fin, quand il n'y a plus rien d'intéressant à raconter, Marvel rajoute une scène qui ouvre sur un autre film. Bah, sur la suite, généralement. Sur le prochain film Marvel. Et donc, ils en ont fait une sorte de marque de fabrique, une signature. Est-ce que vous pensez pas que c'est une idée un peu pourrie? Alors, ah, il y a débat, il y a débat. Réponse oui, avec si, réponse non, avec un mais. Est-ce que tu vas faire ça sur Star Wars 7, John Mark? Alors, mais, je vous rappelle quand même que Star Wars, c'est un univers partagé. Oui, oui. Et que du coup, évidemment, la. Au lieu de la barbe de. De Luke Skywalker, oui. Je te prie de ne pas écorcher son nom. La barbe de R2-D2, comment se porte-t-elle? Alors là, la barbe de n'a pas lieu. Vérifiez vos sources, hein, monsieur, parce que ça commence à bien faire là. J'ai pas le temps pour donc ces conneries. Surtout, l'univers partagé nous promet de bien belles histoires, et surtout, DC Comics et tous les autres producteurs du monde entier veulent faire la même chose. Pourquoi? On sait pas. Parce que c'est une recette maintenant. Voilà. Est-ce que le système Marvel a montré ses limites? Je ne sais pas. On ne sait pas, hein, on est en pleine phase 2. Avengers 2 qui va marquer la fin n'est pas sorti. Mais vu que Guardians of the Galaxy, excusez-moi, a cartonné, on est en droit de se demander est-ce que ça marchera indéfiniment ou pas. Parce que là, ils ont prévu de sortir des films tous les mois quand même. Oui, et peut-être que ça va s'étouffer. Doctor Strange, Black Panther, Black Widow. Captain Britain. Sur iPhone et Android, en fait, par contre. Pas du tout en cellule. Alors, certains films sortiront uniquement sur tablette et iPhone. C'est ça. C'est le nouveau placement de la marque. Voilà, donc ce seront des. Parce que Marvel, en fait, alors on va rentrer dans le détail un peu parce qu'on est, journaliste. Marvel, a décidé de faire des séries télé en plus des films. Donc Daredevil, les Defenders, voilà, Luke Cage, toute une série de Spider-Woman qui sont des street, est-ce que vous avez vu la dernière, le dernier visuel de Spider-Woman, excusez-moi, je Oui, c'est pas des boobs. Donc il y aura ça, d'ailleurs TF1 a acheté aujourd'hui même les droits de diffusion, hein. Donc on a hâte. Alors j'ai rencontré le directeur de TF1 la semaine dernière, il m'a expliqué que c'était... Je connais du monde. Il n'avait pas le choix en fait. Ils ont été obligés d'acheter. Voilà, et c'est à cause de l'Union Européenne, ils ont des placements et des accords avec... Des accords ? Des accords avec Marvel, ils étaient obligés d'acheter la licence. Ah oui, donc très bien. C'est donc, politique, c'est politique. Voilà. Oui, bonsoir. Merci John Mark. John Mark. Alors, je suis avec Justin Timberlake. Je vais le couper Justin, immédiatement. Justin. Alors, merci John Mark. La connexion a été coupée avec les États-Unis. C'est bizarre. C'est pas grave, on dira au revoir sans lui. Merci de nous avoir écoutés. Hein, C'est déjà fini. Oui, non, alors on a décidé que l'officiel c'était pas très long. Pourquoi pas, on verra. J'avais préparé un dossier là. Ah non, là ce sera pour la prochaine fois le dossier Sartman. Peut-être vous pouvez nous teaser un petit peu, nous donner envie hein, d'écouter le prochain podcast. Alors j'ai préparé un très très gros dossier. Oui. Sur les slashers. Le retour du slasher. Alors, c'est ultra confidentiel. Ah oui. Mais donc le slasher qui a connu ses heures de gloire dans les années 70 puis dans les années 90. Ouais, ouais. Va revenir à partir de 2016. Via des séries télé, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Ah oui. Via des applications iPhone et Android. bah c'est la fusion, mon gars. Ah oui, pardon. Et donc le slasher va revenir en force. Je devrais même pas vous en parler, mais bon, j'ai préparé un dossier, ce sera pour la prochaine fois. Le slasher. Voilà, le podcast officiel numéro 2. Ouais. Donc là, on tease. Écoutez, merci de nous avoir écoutés. On espère que ça vous a plu. On vous rappelle l'adresse du site officiel du geek.wordpress.com, il me semble que c'est ça. Peut-être on peut le rappeler John Mark pour la fin. Voilà, John Mark, on va essayer de rétablir la connexion. John Mark. Je suis en pleine soirée avec George. John Mark, vous m'entendez? Gangnam Star. Gangnam Star. Ok, on va couper, le micro. Voilà, merci. Donc John Mark va bien. Il a l'air très bien. J'espère pour lui que tout va bien se passer sur le tournage de Star Wars. On lui souhaite en tout cas bonne chance. Merci à tous, merci Sartman. Pas de soucis, à bientôt et gros bisous.